Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent sont ordonnées de Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à la puissance, résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent, feront venir la condamnation sur eux-mêmes. Car les princes ne sont point à craindre pour de bonnes actions, mais pour de mauvaises. Or, veux-tu ne point craindre la puissance, fais bien, et tu en recevras de la louange. Car le prince est le serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, parce qu'il ne porte point vainement l'épée, car il est le serviteur de Dieu, ordonné pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il faut être soumis, non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. Car c'est aussi pour cela que vous leur payez les tributs, parce qu'ils sont les ministres de Dieu, s'employant à rendre la justice. Rendez donc à tous ce qui leur est dû, à qui le tribut, à qui le péage, à qui la crainte, à qui honneur, l'honneur. Ne devez rien à personne, sinon que vous vous aimiez l'un l'autre, car celui qui aime les autres, a accompli la loi. Parce que ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tel autre commandement, est sommairement compris dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point de mal au prochain, l'accomplissement donc de la loi, c'est la charité. Même vu la saison, parce qu'il est déjà temps de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous, que lorsque nous avons cru. La nuit est passée, et le jour est approché, rejetons donc les œuvres de ténèbres, et soyons revêtus des armes de lumière. Conduisons-nous honnêtement et comme en plein jour, non point en gourmandise, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en dissolution, non point en querelle, ni en envie. Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez point soin de la chair pour accomplir ses convoitises.